Bonsoir les amis, à ma montre cassée, il devrait être environ 20h. Je m'appelle Amine et je suis très heureux de vous retrouver pour Open By sur News FM. Chaque semaine, nous répondons avec nos invités à la question « C'est quoi les bails ?» Autrement dit, quoi de neuf sur Grenoble et dans le monde. Et ce soir les amis, nous allons voyager au bout du monde. Nous allons voyager au Mexique, en Colombie et aux Antilles, tout en restant dans notre studio. Tout à l'heure, nous accueillerons l'association Canavaval, qui organise un tournoi de futsal ce dimanche et qui promeut la musique antillaise à Grenoble. Oui, rien à voir entre les deux, et pourtant, on va en parler. La musique des Antilles d'un côté, et de l'autre, des musiques latines, colombiennes, orchestrées par un acteur, un crooner, un musicien hors pair. Ce soir, pour commencer l'émission, David Burstein est avec moi dans Open By sur News FM. On écoute. Llegó el mango. Vaya, dama y gaspada, por favor, para la hosta. Rookie. On se met un petit peu dans l'ambiance. Bonsoir David. Bonsoir Amine. Comment vas-tu? Très bien, j'ai beaucoup aimé la musique de générique aussi. Merci beaucoup. À ta tête pendant le générique, je l'ai entendu. Ouais. Une musique qui nous met en forme. Merci beaucoup d'être venu dans Open By. Tu as déjà écouté l'émission? Oui. Qu'est-ce qu'il faut pas quel dire hein, pour faire plaisir, franchement. Quel flatteur. On va dire, ouais. On va dire qu'on se connaît bien, on va expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais d'abord, baptême du feu, c'est l'heure, comme pour tous nos invités dans Open By, du portrait chinois. Tu connais le principe? Non. Non, alors le principe est simple. Je vais te poser des questions en te disant si tu étais quelque chose et tu vas devoir répondre. C'est un moyen de connaître ta personnalité. D'accord, la prochaine fois, tu peux me dire ça en avance, qu'il y a un portrait chinois, ça m'arrangerait, j'aurais préparé mes devoirs, moi. Oui, mais là, c'est une interro surprise. Ok, alors on y va. David, si tu étais un livre. Un livre, ce serait Albert Cohen. Et ce serait Belle du Seigneur, pardon. Belle du Seigneur, oui. D'Albert Cohen. Tu peux nous expliquer un petit peu? Oh, c'est une histoire d'amour qui est juste terrifiante et magnifique. Et puis, il y a une écriture, il y a un truc qui est juste... voilà, c'est un chef-d'œuvre. Que tu nous recommandes de lire, évidemment. Voilà. Sinon, ce serait Juan Rulfo, mais j'en ai d'autres encore, si tu veux. Mais voilà. Écoute, on peut faire une émission d'une heure sur ça, on en fera une autre, d'accord? Bien sûr. Ouais, déjà, on se fait engueuler. Eh oui, l'émission n'est pas finie. Si tu étais un super pouvoir. Un super pouvoir. Si j'étais un super pouvoir, je serais. Oh là là, dis donc. Vraiment, la prochaine fois, il faudra que je me prépare. Hein. J'ai tellement de réponses à donner. Vas-y, à l'impro, vas-y. Je serai en capacité de parler avec Dieu. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ouais. Tu lui dirais quoi à Dieu? Bah, je lui dirais, viens, il serait temps qu'on s'assoie, qu'on discute un peu tous les deux. T'as ce genre de phrase, quand on veut rompre avec quelqu'un, on lui dit... Écoute. Si tu étais un sport, David. Si j'étais un sport, football. Football? Ouais. Ouais, t'aimes bien le foot? Oh, j'adore. Ah, c'est génial. Ouais. Tu joues quel poste, toi? T'es attaquant, défenseur? Moi, j'étais gardien, moi, figure-toi. Gardien? Ouais. Et je jouais avec un bistrot à Bruxelles qui s'appelait Let the Case. Et en fait, on jouait le dimanche matin, donc on sortait directement de la boîte de nuit pour aller sur le terrain. Donc, il y avait que moi qui bossais parce que tout le monde vomissait sur le côté parce qu'ils crachaient leur bière. Toi, tu n'allais pas en boîte avec les copains? Moi, j'étais gardien. Donc, si tu veux, pendant 90 minutes, ça se passait dans la surface. D'accord, parce que l'équipe adverse, elle n'était pas sortie la veille, donc forcément... Exactement. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si tu étais une mauvaise habitude? Une mauvaise habitude? Ouais. Eh bien, je mangerais tout le temps. Tout le temps? Ouais. Tu ne fais... J'adore. Aujourd'hui, tu le fais ou c'est quelque chose que tu n'aimerais pas faire? Ah, tu veux dire, si j'étais une mauvaise habitude? Oui. Un arnaqueur. Oh, ouais. Faut qu'on fasse attention alors. Non mais arnaquer. Ça se trouve t'es même pas acteur. Ça se trouve t'es même pas musicien. Tu arrives comme ça, on sait pas ce que tu fais. Non mais pour arnaquer les arnaqueurs, c'est ça que je veux dire. Ah voilà. Tu venges un peu. Bah, non, je suis pas revanchard, mais c'est toujours bon quoi. Ça marche. Si tu étais un gros mot et tu peux tout dire, il faut tout dire même. Tous nos invités ont joué le jeu. Si j'étais un gros mot. Ouais. Si j'étais un gros mot. Bon, non, là, je peux pas le dire, mais sinon... Si, dis-le, allez, David, s'il te plaît. Non, je vais me faire trop d'ennemis. C'est une insulte en arabe, donc je préfère ne pas le dire. Ah, bon, c'est qu'il y a dit en français. Non, même en français, c'est intraduisible, tellement c'est grossier. Non, je dirais pute. Pute, c'est très bien, ouais. C'est très bien, c'est un jeu, ouais. Un gros mot, ouais, ouais. Ça qui je trouve où la sonorité va avec la vulgarité, tu vois, c'est ouais, un truc ça, qui est très, ouais, exact, c'est très musical, t'as ouais, raison. C'est vrai. Ouais. Si tu étais une célébrité, David. Qui, tu veux dire? Une célébrité. Quelle célébrité serais-tu? Oui, quelle personne? Mandela. Mandela? Ouais. T'as envie d'être un héros? T'as envie de réconcilier les peuples? De cette façon-là, ou c'est... Non, parce que Mandela, il donnait plus de sens que sa personne. Waouh, ça c'est beau. Bah ouais. Si tu étais une chanson. Une chanson, ce serait un bon funk des années 80. Ouais, un exemple en tête? Bah, Kool & The Gang, bon, j'en ai déjà donné un, je sais pas moi, Get Down On It. Allez, ça marche. Ouais. On va le passer. Alors, c'est pas celui-là que j'ai donné. Hein. Moi, j'ai donné... Jungle Boogie. C'est vrai, c'est celui que t'as donné, effectivement. Si tu étais. On va faire un petit dernier. Si tu étais une émotion. Amoureux. L'amour? Ouais. Pourquoi? Bah, parce que c'est trop bon d'être amoureux, quoi. Ouais. Il n'y a rien de mieux, quoi. Là, j'ai beau faire le tour de tout, mais non. Je trouve pas mieux. Eh ben, écoute. On va rester sur cette belle notion qu'est l'amour pour achever ce portrait chinois. Alors d'habitude, le portrait chinois, c'est pas moi qui le fais, c'est ouais. Mathilde qui coanime l'émission avec moi, qui est chroniqueuse régulièrement dans l'émission. Mm-hmm. Elle n'a pas pu être là ce soir, mais elle a quand même tenu à te laisser un petit message. Coucou David, c'est Mathilde. Je tenais à te faire un message. Bon, je peux pas venir te voir malheureusement, même si j'aurais beaucoup aimé. Et je tenais à te remercier pour tout ce que t'as fait dans Émergence. T'as des valeurs autant humaines et t'es très professionnelle dans tout ce que tu fais. Et je t'apprécie beaucoup et j'espère que on pourra se voir aussi longtemps qu'on courra. Voilà. Ah, bah ça fait plaisir. Mathilde, et moi-même d'ailleurs, on s'est rencontrés dans le cadre de Émergence, où t'as été metteur en scène, voilà, un événement qui... Même plusieurs événements d'ailleurs... qui visait à mettre en avant la jeunesse de Grenoble. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots de ton expérience de metteur en scène sur Émergence? Alors, d'abord, ce que je trouve formidable dans le principe d'Émergence, c'est que tout le monde est accepté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne cherche pas ceux qui ont un bon niveau ou un mauvais niveau. Et donc, du coup, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de mettre en avant les qualités de chacun et avec les personnalités aussi. Et en fait, être metteur en scène, pour moi, c'est d'être capable de voir la personne qu'on a en face et de voir ce qu'il peut faire, exactement le potentiel de ce qu'il peut faire. Et surtout de ne pas essayer de lui faire faire ce qu'il ne peut pas faire. D'ailleurs, souvent quand on voit des mauvais acteurs sur scène, ouais. Le metteur en scène est pour moi le premier responsable. D'accord, comme en football, où quand les joueurs sont mauvais, c'est aussi la faute de l'entraîneur, c'est ça que tu veux dire? Ou c'est un peu différent? Je dirais que c'est un peu différent parce qu'on peut se rattraper en collectif. Y a quand même... c'est pas tout à fait pareil. Parce que vraiment, en tout cas, diriger un acteur, c'est vraiment chaque acteur a sa propre personnalité, sa propre manière ouais. d'être. Et on peut pas lui parler exactement de la même manière. Il y a des gens plus solides, plus fragiles. Donc voilà. Et moi, c'est ce qui m'a plu dans Émergence, c'est justement de mettre en avant les fragilités de chacun, de leur montrer que justement leur fragilité, c'était des qualités. Il y a des personnes ou des parcours de vie qui t'ont particulièrement marqué? Dans Émergence? Oui. Tu vois, ça ne me vient pas comme ça à l'esprit. Il n'y a pas quelque chose qui me sort spontanément. Non, c'est juste, c'était une aventure humaine. Assez courte à chaque fois, hein, faut reconnaître. J'étais pas vraiment metteur en scène d'ailleurs, hein. J'étais plus une espèce de guide, on va dire, pour essayer de... Un guide d'orchestre. Voilà, on va dire, un petit peu, mais mise en scène, c'est encore autre chose. Ouais, c'est encore autre chose. Parce que oui, c'est dès qu'une... La soirée Émergence, moi j'étais connu dans ce cadre-là, mais ce n'est qu'une petite partie de la palette de la vie de David, un électron libre qui a d'ailleurs sa propre fiche Wikipédia. Alors je te propose qu'on regarde un petit peu ensemble ce qu'il y a dedans, d'accord? Mmh. Allez. Alors, David Burstein, je prononce bien? Bravo. Merci. Parce que je t'explique pas, les gens, quand une voix écrite qu'ils l'ont jamais entendue, il y a un moment de silence. Alors, on peut l'appeler peut-être ouais. B-U-R-S-Z-T-E-I-N. Voilà, et sur mon passeport, c'est un J à la place du I. Ça fait quoi? Vous avez bu acheter le gin? Exactement, tu vois. Donc, voilà. La version belge du nom. Ah, c'est plutôt polonaise. Hein, plutôt polonaise? Ouais. D'accord. Ouais. Plutôt polonaise. Parce que même les Belges, ils ont du mal. Hein. En même temps, les Belges ont du mal à beaucoup de choses, je crois. Ah, ça, je suis pas d'accord. Tu dis ça parce que t'es belge? Ouais. Et oui, puisque tu es né, d'après la fiche Wikipédia, le 8 mai 1963, Bruxelles, Belgique. C'est bien ça? Exactement. Waouh, c'est génial. Bon, Belgique avec laquelle tu as eu des petits soucis, je crois. Voilà, j'ai en fait, à l'époque, donc j'étais parti en France. C'était à l'époque de la première guerre du Golfe. Et j'allais avoir un enfant et je rentrais à la Comédie Française. Donc du coup, j'ai déserté l'armée belge, en fait. Voilà. Donc, pour pas aller faire la guerre. Pour pas aller faire la guerre, ça de toute façon. Mais aussi pour des raisons aussi personnelles. Hein. Enfin voilà, donc du coup, pendant 10 ans, j'ai pas pu rentrer en Belgique jusqu'à ce qu'il y ait prescription, puisque le service militaire a plus été obligatoire plus tard, comme en France. D'accord, ouais, ça a été abrogé. La conscription a été abrogée. Exactement. Mais avant d'arriver à la Comédie Française, tu le disais, dans les années 80, tu intègres le Conservatoire de Grenoble. Oui. Alors, qu'est-ce qui te motivait à devenir acteur, comédien? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça, c'est une chance quand même, parce que c'est vraiment quelque chose qui date de l'enfance. Vraiment, quand ma mère, un jour, m'a ressorti les premiers bulletins que j'avais, et où on ne parlait que de clowns, de tragédiens. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'a poursuivi tout le temps et qui a été vraiment une évidence pour moi. Donc du coup, voilà. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai passé le concours au conservatoire à Grenoble, c'est parce que c'était en janvier que moi, je voulais plutôt faire le conservatoire de Paris. Ouais. Et que bon, ça faisait un moment que je glandais, donc je suis arrivé et j'avais jamais été au théâtre de ma vie. D'accord. C'était en 83, c'est ça? C'est en 83. Exactement. Et donc, au lieu de prendre le plateau, je me suis mis devant la table du jury. Et en plus, je parlais avec un petit accent, j'étais un petit peu comme ça, quoi, bon, parce que je venais de Bruxelles, donc oui. Déjà l'accent, quand je devais jouer Molière, c'était pas tout à fait ça. Mm-hmm. Et à un moment donné, ils m'ont dit, mais vous savez, vous pouvez vous mettre sur scène, et je me suis retourné, je fais, ah, on peut aller là-bas. Et donc déjà, ça commençait très mal. Et en fait, j'ai pris une scène de série noire, que j'avais appris comme ça dans le train pour venir. Et parce que j'ai même trouvé parce que je suis venu sans j'avais pas de réplique avec moi, donc j'étais obligé de prendre le jour même des répliques sur place. D'accord. Et j'ai joué En fait, t'es venu en touriste au truc. Je pensais vraiment pas que j'allais être reçu, en fait. Ouais. Et en fait, donc dans Série Noire, je jouais le rôle de Devers, qui est un film magnifique, hein, oui. Je vous le conseille, d'Alain Corneau, et j'ai été pris à l'unanimité. Oh waouh, félicitations. Et 6 mois après, j'intégrais la troupe de Lavaudan. La troupe de Georges Lavaudan. Exactement. Absolument. Tu veux nous parler un petit peu de lui? Alors, en fait, j'ai donc à l'époque, il y avait, c'était une troupe permanente qui était donc le Centre Dramatique, et on avait la chance d'avoir comme intervenant des acteurs de la troupe de Lavaudan. Ouais. Et bon, c'était un petit peu chaud, même du conservatoire de Grenoble, j'ai failli me faire virer, je me faisais virer de partout de toute façon. Pourquoi tu faisais virer? Bon, parce que j'ai toujours eu un petit peu de soucis avec la discipline et l'autorité, donc du coup voilà. Et j'ai donc décidé de passer le concours au TNS. TNS qui est? Qui est le Théâtre National de Strasbourg. Oui. Et qui est en fait une des grandes écoles avec le conservatoire de Paris. Et pendant que je passais le concours au TNS, j'ai eu un coup de fil, et c'était Lavaudan, au téléphone, qui me proposait d'intégrer l'équipe de Richard III, ouais. Et de jouer un rôle, et la première avait lieu à la Cour d'honneur d'Avignon. Waouh! Ah ouais, ça m'a fait exactement ça. Et il m'a dit, ouais, mais tu peux réfléchir. Je fais, ouais, ouais, non, mais d'accord, mais non, mais c'est bon. C'est le gars qui va hésiter, alors qu'en fait, c'est son rêve. Écoute, peut-être, laisse-moi quelques jours, je vais prendre... Exactement. Donc, du coup, j'ai intégré l'équipe de Lavaudan pendant 15 ans. Ouais. Et ça m'a évidemment ouvert plein de portes pour faire d'autres choses aussi. Dont la porte de la Comédie Française que tu évoquais tout à l'heure. Exactement. Où je suis entré avec Antoine Vitesse et où je suis reparti. Parce que j'aime bien ne pas savoir de quoi sera fait le lendemain. Ouais. Et que la Comédie Française était signée pour trop de temps. Donc, voilà, j'ai pas voulu y rester, alors qu'il y avait quand même des belles, belles mises en scène avec des sacrés metteurs en scène qui venaient, surtout que c'était Antoine Vitesse qui vraiment était une grande figure du théâtre, on va dire, entre les années 70 et les années 90, avec Chéreau, avec, voilà. Mais j'avais trop besoin d'aventure et surtout, voilà, je peux pas m'enfermer dans. C'est vrai qu'on m'a dit de toi que tu étais un électron libre. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, disons que je veux dépendre de personne en fait. Donc, du coup, pour bien faire ce métier, il a fallu que j'apprenne à m'en passer. Pour tout te dire, dans les années 90, après avoir été pendant quasiment 15 ans dans la troupe de la Vaudan, il y a Patrick Pinault qui est arrivé. Patrick Pinault qui est ? Qui est un des grands acteurs de théâtre aujourd'hui et qui a commencé à devenir le chouchou de la Vaudan. Et j'ai commencé à avoir un avant-goût d'amertume. Et je me suis dit, oula, il faut surtout que j'apprenne à me passer de ce métier pour bien le faire. Ouais. Et donc après, j'ai essayé de vendre des poulets sur le marché, j'ai fait des lunettes de soleil. Quand tu passes de la cour d'honneur d'Avignon à vendre des poulets, ça allait. Ah non, mais entre-temps, j'avais fait aussi le Festival de Cannes, hein, attention. Hein, on va en parler après. Mais donc voilà, donc, si tu veux, je voulais vraiment, pour bien faire ce métier, apprendre à pouvoir m'en passer. Et c'est là où j'ai commencé à faire de la chanson, ou j'ai essayé de faire d'autres choses. Et puis aujourd'hui, à force de fonctionner comme ça et de me dire il faut absolument pouvoir mettre la clé sous la porte parce que sinon on s'abîme trop dans ce métier, j'ai une grande armoire avec plein de tiroirs entrouverts, puis quand il y en a un qui bloque un peu, ben j'en ouvre un autre. Donc du coup tu jongles comme ça entre voilà, donc je réalise des clips, je fais de la mise en scène, je chante, je joue, je fais des reportages. Donc tout ce qui me passe par la tête aujourd'hui, je peux te dire que j'ai les moyens de le faire en tout cas. D'accord, parce que tu as réussi à te diversifier et à pas t'enfermer dans quelque chose, c'est ça que tu veux dire ? Oui, puis il y a tellement de choses intéressantes dans ce monde que voilà, c'est... Et puis, à partir de 35 ans, chaque fois que je faisais une mise en scène, ou chaque fois que j'entamais, j'étais responsable d'un travail, je marquais sur ma main « c'est pas grave ». Et du coup, ça m'a appris vraiment à plus avoir peur de me planter, à plus avoir... Donc c'est peut-être ça qui fait de moi un électron libre, parce que je me suis rendu compte tout simplement qu'on ne peut pas faire mieux qu'au mieux, et qu'il faut faire avec ce qu'on a. Donc, et moi, je m'en contente et je suis très heureux comme ça. Est-ce qu'il faut cette philosophie-là pour être un bon acteur ou pour réussir dans les métiers de scène ? Je pense que chacun a son cheminement. Ouais. Moi, au début, j'étais... j'ai vraiment tout fait pour aller le plus loin possible. Et une fois au seuil, on va dire, d'une forme de notoriété, j'en ai vraiment pris peur. C'est-à-dire que j'étais pas à l'aise avec ça, j'aimais pas le milieu du cinéma, j'aimais pas... Donc du coup, j'ai décidé d'aller plutôt là, dans ce que j'aimais, et surtout de me rêver. C'est-à-dire de comment est-ce que je pouvais me projeter plus tard et d'être heureux dans ce métier. D'accord. Et je me suis rendu compte que c'était pas en essayant d'atteindre un sommet, parce qu'une fois qu'on est au sommet, on s'y accroche. Et moi, j'ai vu que des gens malheureux là-dedans, quoi. Donc le mieux, c'est de redescendre et puis d'en viser d'autres. Mais avant de redescendre, comme tu disais, 1991, grand rôle au cinéma, aux côtés de Michel Piccoli, Jane Birkin, Emmanuel Béart, La Belle Noiseuse, réalisé par Jacques Rivette. Tu incarnes le personnage de Nicolas, c'est bien ça ? Oui. Qui aura une réplique tellement puissante qu'elle est devenue... culte, on parle de Assas et de Montpellier. S'il vous plaît, Assas et Montpellier, c'est le même indicatif. Oui, c'est le 67. Merci. Pas rien. Ouais, donc c'était le monologue en fait que j'avais dans le. C'est sa réplique la plus puissante dans le film. C'est étonnant de réécouter ma voix de jeune homme. Hein. Vous avez vu la différence un peu? C'est vrai qu'elle a changé la voix. Hein. Eh ben, voilà, franchement. Rétrospectivement, si je dois repenser à ce film, je me rappelle, on a fait le Festival de Cannes, il y a eu le Grand Prix du jury avec ça. Si vous avez été primé hein, pour ce film-là. Voilà, et chaque fois que je disais que j'étais dans ce film, alors que quand même j'y suis vachement longtemps, il y a toujours une minute de silence où les mecs ils se disent « mais qu'est-ce qu'il faisait là-dedans en fait ?» Et je dois reconnaître que c'est pas, ça n'a pas été, une grosse éclatade pour moi. C'est entre autres aussi ce qui fait qu'au bout d'un moment, je me disais, en fait, c'est pas... C'est pas une grosse éclatade, pourquoi ? Bah parce qu'encore une fois, dans ces milieux-là, alors que là, c'était Jacques Rivette, hein, il y avait Pascal Bonitzer qui était le scénariste, je trouve que tout prend des proportions tendues, démesurées, on a l'impression... Je dis pas de Rivette, parce que c'était plutôt quelqu'un de ludique, Mais tout ce qui est autour, c'est tellement lourd, tellement pesant que, en fait, c'est les gens se prennent trop au sérieux, il y a trop de pression. Oui, il y a de la pression, il n'y a que des enjeux, en fait. Donc je ne voyais pas l'intérêt de continuer à faire ça. Alors que j'avais tourné avec d'autres gens, hein. j'avais fait entre autres quelques films avec Raoul Ruiz. J'avais tourné à l'époque, ça ne vous dit plus rien aujourd'hui, avec des acteurs comme Philippe Léotard, Christine Boisson, Michael York. Ah, ça ne me dit rien du tout. Ouais, mais. Eh bien, justement. C'est d'autant plus absurde que tous ces gens qui cherchent à avoir de la notoriété, en fait, ça dure une ou deux générations, et puis c'est comme une quête d'immortalité. Donc c'est absurde, c'est complètement absurde. Ouais. Et donc, quelques années plus tard, tu crées la troupe, comme tu dis, Électron Libre, après le cinéma, après le théâtre. La troupe Life is not a picnic, la vie n'est pas un pique-nique, en français. Wouh ! Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, Life is not a picnic ? Ouais. Et comment, est-ce que ça explique un peu le concept de la troupe? Oui, alors, mon père, c'était une expression de mon père, en fait. D'accord. Et c'est une manière un peu de dire que la vie, c'est pas simple, mais en même temps, d'en sourire. Donc, la dérision, voilà, dans la plupart de ce que je fais, il y a de la dérision et de l'humour, parce que je trouve que l'humour, c'est le meilleur moyen de faire passer des messages. Donc voilà. C'est pour moi, c'est primordial. Donc, je trouvais que ça sonnait bien. Ça donne du tragicomique, quoi. Ouais. Dire que la vie a du fond, mais que finalement, même le fait que ce soit pas un pique-nique, c'est un peu absurde. C'est voilà. Un petit peu ce qu'on retrouve. Et tu écris sur ton site internet pour décrire cette troupe, Life is not a picnic, qu'en fait, c'est un gros bazar organisé. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Des fois, on va dire des risques, mais moi je trouve que les risques, c'est de ne pas courir de risques en fait. Donc c'est absurde. C'est l'inverse qui est risqué, c'est de passer sa vie à ne rien faire. Donc moi je pense qu'il faut tout le temps rêver et se rêver. Mes spectacles, en général, pas toujours, parce que le dernier spectacle que j'ai fait, par exemple, j'ai pris la guitare, donc ça a été un grand moment de solitude. Et pour moi, et pour le il public. Prend des risques. Il prend des risques. En général, le moment où les musiciens, où je vais chanter avec les musiciens, musicalement, c'est extrêmement solide et extrêmement fort. Vraiment. Hein. Et donc, dans mes spectacles, la plupart du temps, il y a des invités qui sont, ou des fois ça peut être bancal, mais le spectateur, il sort systématiquement en se disant ce qu'il a vu ce soir, il ne le reverra plus jamais. Donc j'ai toujours besoin de cette chose de fragilité, de choses qui dépassent, parce que y a rien que je déteste autant que la perfection. Mais moi je pense qu'en réalité, si tu détestes la perfection, si tu fais toutes ces choses-là, c'est uniquement pour une chose, c'est pour tuer le temps. Je suis un tueur de temps. Je suis un tueur de temps. Bon alors David, on cherche à tuer le temps en faisant tout ça ? Allez. Voilà, je suis sûr que t'oses pas maintenant laisser le micro éteint pendant 5 minutes, et qu'il se passe rien, ce serait tellement bien. Alors on peut le faire, mais en mettant de la musique. Ah ben non, ça c'est triché. Vas-y, on va faire. Chiche, on fait 5 secondes de silence. Allez. J'éteins. Bon, allez, on retourne au l'antenne. Ouais, mais pas mal, hein. Rien qu'à cause de ça, t'as plein de gens qui viennent de zapper, là. C'est malin, je pensais pas une seconde que t'allais le faire. Mais c'est vrai qu'à la télévision. Oui, mais je pourrais couper au montage. Non, mais c'est trop, le silence, c'est trop bon, franchement. C'est vrai que t'aimes bien le silence. C'est ce que tu me disais dans l'émergence. Les silences, c'est très, très important. Ouais. Pourquoi mais parce qu'en fait, le silence, c'est ce qui rythme tout. Donc, et puis surtout, les gens ont tellement peur de ça. D'ailleurs, là, je suis en train de préparer un spectacle dont j'ai fait une première mouture, où l'idée, c'est que je suis sur scène pendant 1h15 sans rien dire. Et comment on fait ? Alors, on s'écrit des impros, on écrit des situations, des choses qui peuvent être drôles, des choses moins drôles. Voilà, je vais pas vous donner la mèche, hein, parce qu'après. Après, on va le copier. On sait que dans le milieu du spectacle, ça copie. Oh non, mais ça, personne ne peut copier personne. On s'inspire des gens, mais après. Bon, il y a du plagiat, évidemment, mais. Évidemment. Voilà. Mais bon, pendant 1h15, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y en a qui vont sur Netflix, il y en a qui écoutent Open By sur News FM tous les jeudis soirs, 20h. Et il y en a qui, pour s'occuper, vont aussi en Colombie. Alors, d'abord, il y a quelque chose d'extrêmement fort quand on va en Colombie, qui est un pays qui est quand même extrêmement dur, qui vivent plus de 50 ans de conflit. Alors, viens dans le micro, s'il te plaît. Pardon, oui, pardon. Non, c'est parce que je n'ai pas l'habitude. C'est pas grave. Qui vivent plus de 50 ans de conflit. Et des gens qui souffrent, qui sont pauvres, qui mesurent l'importance qu'a la culture. Ici, on est dans une espèce d'anesthésie générale où les gens sortent plus, vont plus au théâtre, font plus rien, regardent la télé chez eux, sont devant leurs écrans. Là, quand on vient avec des projets théâtraux ou musicaux, les gens sont extrêmement réceptifs et c'est très très fort. Ensuite, depuis maintenant 4-5 ans, j'ai orienté ce qu'on fait dans des sujets environnementaux et sociétaux. Ouais. Donc on a fait un clip contre Monsanto Bayer, on a fait un clip contre la violence avec des gamins de la banlieue de Bogota, avec 500 gamins. Là, on est en train de travailler avec la Commission de la Vérité, qui est une commission en fait qui a été nommée indépendante, qui a été nommée par l'État colombien et qui doit recueillir les témoignages des victimes du conflit en Colombie. Ah, du conflit en Colombie, conflit avec les FARC, hein, c'est avec, ça ? Non, avec non. Les paramilitaires avec aussi. Il n'y a pas que les FARC. C'est vrai qu'on pense toujours qu'il y a les FARC, mais les paramilitaires, c'est pareil. Hein. Je veux dire, ouais. C'est même souvent pire. Voilà, on ne va pas rentrer dans le non, détail non, bien du sûr, conflit, mais effectivement, un petit peu au contexte. En gros, ce qui se passe, c'est que les paysans, la plupart sont des paysans, c'est le pays où il y a le plus de déplacés sur la planète. Hein. À l'intérieur du pays, je crois qu'il y a 7 ou 8 millions de déplacés. Et en fait, les paysans se retrouvent entre deux feux, les paramilitaires arrivent et les traitent de traîtres parce qu'ils ont donné à manger aux FARC. Et inversement, et donc les mecs sont obligés de fuir leur campagne et ils se mettent en périphérie des villes. Grosso modo, hein, vraiment, c'est... Donc nous, en fait, moi j'étais... la dernière fois que j'étais, on était à dos de mule dans la montagne avec des gars de l'ONU. On avait, qui forment c'était quand des, c'était en octobre, j'y retourne en avril. Là. D'accord. Et en gros, on va aller dans plusieurs régions de Colombie reclus. Voir des paysans, des gens qui ont souffert du conflit, on leur dit, voilà, si vous aviez une fenêtre ouverte sur le monde, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Avec vos mots. Et donc, on recueille les mots de ces personnes, on fait des chansons, en intégrant leur patrimoine musical et régional. Et donc, on va aller dans plusieurs régions, on va faire un disque, on va faire des clips, et après, on fait un spectacle qui sera présenté à Bogota au moment où la Commission de la Vérité remet son rapport en novembre 2021. Novembre 2021, d'accord. Voilà. Aussi, là, on a monté un projet pédagogique qui s'appelle Minestrone, qui est en fait une marionnette qui envoie un courrier dans les classes, dans les milieux, surtout dans les quartiers difficiles. Et il se fait inviter par les enfants pour qu'ils lui racontent des histoires. Donc, voilà, donc les enfants choisissent une histoire à raconter à la marionnette, et quand la marionnette vient, bah, ils se battent pour lire. Donc c'est une manière de les initier à l'écriture et à l'oralité aussi, parce qu'on travaille aussi avec des analphabètes. D'accord. Et donc voilà, on a pas mal de chantiers qui sont entamés là-bas, et voilà, ça redonne du sens aussi à ce qu'on fait. Eh bien c'est très bien, et tu évoquais tout à l'heure les clips que tu avais réalisés avec les enfants colombiens. Oui. Il y a le clip d'une chanson qui s'appelle Belle, c'est fait Billy. Exactement. Et on va l'écouter sur News FM, vous êtes toujours dans Open Bay. Hey Bill, I'm gonna make a hole in your head, you know that. It's gonna be empty. Did you hear that? Big hole in your head. Billy got a bullet and black out of his head, and the bullet built him bananas in the Billy's head. Billy Bloody Billy was a child in pain. And the bullet bill the manners in the Billy's brain. Billy s'est pris une balle dans le but. Et la balle de Belle a manqué son but. La balle de Belle a brisé la cervelle. De Billy manque de vol, il a perdu la boule. Belle s'est fait Billy. Billy s'est fait la Belle. Belle était d'aplomb. Billy s'est fait plomber. Billy, Billy à Babybel. C'est la partie. Allez, tu dois le garder ça. Vous écoutez toujours Open By sur News FM. C'était Belle s'est fait Billy par Life is Not a Picnic. Open By, une émission que vous pouvez écouter à la radio le jeudi soir 20h, mais aussi en podcast quand vous voulez. Suivez d'ailleurs notre actualité sur Instagram @openby. Je suis toujours avec David Burstein, acteur, crooner, troubadour, fondateur de la troupe Life is Not a Picnic. Et tout à l'heure, nous accueillerons l'association Canavaval, Canavaval, avec qui nous parlerons du tournoi caritatif de futsal qu'ils organisent le 1er mars prochain. David, pour parler de ton projet Life is Not a Picnic, pourquoi as-tu choisi de nous proposer la chanson Belle s'est fait Billy? Eh bien, parce que c'est une des chansons avec le tueur de temps, on va dire, pour les aficionados, qui est vraiment emblématique de ce qu'on fait. Puis parce qu'on a fait un clip avec ces gamins à Bogota, voilà, que c'était assez fort. Et que il va sans doute être distribué, d'ailleurs, ce clip. Vous pouvez regarder sur YouTube, il s'appelle Belle s'est fait Billy. Non, pardon, Billy Belle il a bala, parce que c'est une version espagnole. Et en fait, il va être sans doute distribué en première partie des longs métrages dans une quarantaine de cinémas en Colombie, donc c'est super. D'accord, waouh, bah, formidable. Alors à présent, nous allons passer au journal de David Burstein avec le générique de BFM TV. BFM TV, priorité au direct. Enfin, au pas direct ce soir. Oui, il faudra demander à Amine qu'il vous fasse des vocalises. Hein, parce que franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Attends, je peux te faire le générique en vocalise. tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Bon, bref. Non, mais quand tu m'as fait ton espèce de... C'était trop bien. Ah oui, mais ça, on va le garder, ça. T'inquiète pas, on va le garder. Ah, il y avait un sujet qui t'avait intéressé, David, quand je t'ai demandé le sujet d'actualité dont tu voulais parler. C'était la montée des intégrismes. En quelques phrases, pourquoi ça t'a intéressé? Pourquoi ce sujet t'intéresse? Sur la musique de Marche avec les mots. Eh ouais, tu vois un peu. En fait, ça, ce qu'il y a, c'est qu'on est dans un monde où on prend de plus en plus position pour ou contre quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de nuances. Et pour moi, les intégrismes, c'est ça en fait. Le problème, c'est qu'on rentre dans le dogme et dans les certitudes. Or, on sait tellement peu de choses de ce monde, et puis de toute façon, ce qu'on sait, c'est tellement dérisoire et infime au regard de ce qu'on ne sait pas, que les certitudes que Dieu existe, qu'il faut virer tous les immigrés, que... Et quand je parle des intégrismes, je parle aussi des extrêmes, à gauche comme à droite, hein, c'est-à-dire que... et puis des religions, c'est-à-dire que je trouve que... Enfin, moi, je viens d'une culture où la question... est plus importante que la réponse. Et quand on donne des réponses, des fois, ça peut être dangereux. Et le problème du dogme, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des réponses toutes faites et que quand on n'est pas d'accord avec les gens ou quand on essaie de leur mettre un miroir ou de parlementer ou même avec bienveillance, si on n'est pas d'accord avec eux, tout de suite, c'est qu'on est contre eux. Ouais. Or, pour moi, voilà, la montée des intégrismes, elle est... on va vers un monde qui tend de plus en plus vers ça. Voilà, en deux mots, c'est ce que je voulais dire. Hein. C'est que je suis pas là à dire qui a raison ou qui a tort. Bien sûr. Parce que pour aller se faire sauter au Bataclan, il faut quand même avoir un sacré degré de conditionnement et d'être quand même bien, bien barré et d'être sûr de ce qu'on fait. Donc comment est-ce qu'on fait pour parler à ces gens-là? Et puis comment est-ce qu'on apprend aux gens à se mettre à la place des autres? Comment est-ce qu'on peut refuser quelqu'un qui a traversé la Méditerranée avec ses enfants et de le renvoyer dans son pays? Enfin, je veux dire, oui, il faut accueillir toute la misère du monde. Et donc, il faut, voilà, je pense qu'apprendre à se mettre à la place des autres, déjà, ce serait pas mal. Oublier un peu tout le temps de se mettre à sa place et d'apprendre un peu ce que vivent les autres. Un beau message d'humanité, David. Ouais. Alors, j'avais préparé plein de questions, mais non seulement on n'a pas le temps, mais surtout, je pense que tu as dit de très belles choses et je pense qu'il n'y a pas besoin d'en ajouter davantage. Allez. Alors, on va continuer. Et dans cette manière que tu as de dénoncer des sujets d'actualité, tu l'évoquais tout à l'heure, tu dénonces notamment nos amis, alors j'espère que ce n'est pas des annonceurs de News FM, auquel cas, on coupera, nos amis de Monsanto. Va des rétro, Monsanto. Va des rétro, Monsanto. Eh ouais. Tu veux nous en parler? C'est fou comme il y a encore des gens pour défendre ces gens-là. C'est-à-dire que... Alors Monsanto, on peut préciser qui c'est. Hein, ce sont les principaux producteurs d'OGM et ce sont également ceux qui produisent le Roundup, qui est le produit qui contient du glyphosate pour lequel il y a des risques, il y a des procès en cours pour désintoxication et avoir pollué... produit mis en danger la vie humaine. Et qui n'existe plus d'ailleurs, qui a été racheté par Bayer. Qui a été racheté par Bayer, qui voilà. S'en mord les doigts d'ailleurs. Exactement, bien fait pour leur gueule. C'est comme les climato-sceptiques. Oui, on en a parlé dans l'émission. En fait, c'est pas compliqué. À partir du moment où on émet des doutes, on remet tout en question. Donc là, quand on est sur un truc, bon, sans parler du cynisme absolu de Monsanto... où il y a certains pays, entre autres en Amérique latine, où les semences, les paysans sont obligés d'utiliser les semences Monsanto. Je vais pas m'étendre le pourquoi, mais par contre, l'idée aujourd'hui, c'est effectivement de dénoncer Coca-Cola, qui a le monopole de la flotte sur l'Amérique latine, oui, Nestlé, l'équivalent en Asie. C'est-à-dire que l'eau potable coûterait 100 fois moins cher dans ces pays que donc on oblige les gens à acheter de l'eau minérale et en fait le marché est pris par Coca-Cola qui a vendu d'ailleurs plus d'eau minérale que de soda. Depuis 3 ans, ils en vendent plus. D'accord, je savais pas ça. Donc en fait l'idée c'est de... Bon, la musique, c'est quand même un véhicule absolument génial pour... ça rentre dans les maisons, c'est des mélodies, les gens chantent les mélodies, et puis ils découvrent le texte, et puis en découvrant le texte, ils prennent conscience de ce que ça raconte. L'idée, donc, c'est effectivement de dénoncer avec les chansons. D'ailleurs, ça à l'inverse aussi, ça provoque aussi des effets pervers, comme aujourd'hui, moi je vois quand les gamins chantent systématiquement des trucs, où, des chansons où ils traitent les femmes de putes. Enfin, il y a des messages qui passent chez certains. Il peut y avoir des messages très positifs, comme ça peut aussi véhiculer des choses qui sont un peu plus discutables, on va dire. Ouais, puis les thèmes sont toujours les mêmes, quoi. Je veux dire, faut un peu, voilà, faut un peu sortir justement de ces thèmes-là. Donc l'idée, c'est effectivement de faire des choses qui fonctionnent, des tubes, si je peux dire, mais avec des messages, pour faire passer des messages. Et d'ailleurs, c'est pas du tout exclu qu'on travaille avec des notoriétés aussi, des chanteurs. Justement, qui nous aiderait à faire passer ces messages-là. Donc, chaque chanson, et donc Monsanto, il a été traduit aussi en espagnol, en fait, est libre de droit. Et donc, qui veut peut s'en emparer. Si un Finlandais veut s'en emparer et mettre le texte de Monsanto à sa sauce contre Monsanto et utiliser notre musique, il n'y a aucun problème, il peut le faire. Donc, l'idée, c'est vraiment de partager, d'essayer de le véhiculer un maximum dans le monde entier. Donc si jamais il y a un community manager ou quelqu'un qui connaît les réseaux sociaux qui venir travailler avec nous, gratos, voilà, qui n'hésite pas à appeler Amine. On transmettra, on fera suivre. Parce que l'idée, quand même, c'est après, c'est de faire un appel aux dons et le prochain, de faire justement un clip contre Coca-Cola. Et là, par contre, parce que le clip de Monsanto, il y a eu quand même énormément d'intervenants. Les gens ont fait ça de manière bénévole. Et l'idée, c'était effectivement de, par la suite, d'utiliser ce clip pour faire un appel aux dons, pour fidéliser les gens sur notre Facebook et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, on est dans ce combat-là. On est dans ce combat-là. Et comme la chanson est libre de droit, on va la réécouter. Non, je fais d'art. Bon, David, c'est quoi tes prochains projets alors? Parce que l'émission va bientôt, enfin, ton interview va bientôt toucher à sa fin. Alors, donc, les projets, effectivement, les prochains projets, c'est ce que vous avez entendu donc, sur la Colombie. Hein, donc, on est très engagé là-bas, on repart en avril. On fait en moyenne 2 à 3 voyages en Colombie par an. Et là, je suis en train de monter une fondation dans un lieu à Paris où il y a un espèce de fou furieux qui a fait venir il y a 25 ans une locomotive du Troisième Reich de Pologne qui a réussi à la faire offrir par la Pologne à la ville de Paris. Et ça fait 25 ans qu'elle est murée dans son atelier, cette locomotive qui fait 100 tonnes. Qui est donc un symbole de collaboration et de déportation. Bien sûr. Et on est en train de monter une fondation qui va réunir des Rwandais, des Cambodgiens, des Arméniens, des Juifs, avec des personnalités, pour en faire un lieu de discussion et un lieu éventuellement pour discuter de paix, plutôt que d'être dans une salle aseptisée, parce que les mots prennent leur sens quand on est assis au pied de ce monstre. Ouais. Donc voilà, et un lieu aussi de proposition artistique, de pédagogie, de voilà. Donc on travaille là-dessus, qui est un très gros projet qu'on a. Qui aboutirait quand, tu sais? En principe, on aimerait faire l'inauguration. On inaugurerait d'ailleurs. Il est question qu'on inaugure avec mon orchestre, parce que j'ai un autre orchestre qui s'appelle Welt, qui est un orchestre de klezmer. On raconte des histoires drôles et percutantes et qui rebondissent donc sur aussi notre temps. Et donc ce serait en 2021. Waouh, voilà. Des beaux projets. Ouais. Est-ce qu'on peut voir ton orchestre bientôt, là, sur Grenoble ou ailleurs ? Il va falloir aller loin. Loin ? Ouais. Oh. Ouais. Pas avant sur Grenoble, non. Il n'y a rien de prévu aussi. Il y a un petit spectacle qu'on vient de monter qui s'appelle Hit et Parade, que j'ai monté avec un musicien. C'est là où il y a eu un grand moment de solitude quand j'ai pris la guitare. où en fait, ce sont des devinettes musicales. sur des tubes que tout le monde connaît, comme Take a Walk in the Wild Side ou même des trucs de Kool & The Gang. Et en fait, je dis le texte en français, les gens doivent trouver ce que c'est. Oh, wow. Et ça marche assez bien, hein. Franchement, c'est assez prometteur. Donc, il y avait toujours des jeux comme ça là, avec les Beatles aussi, où on trouve des phrases. Voilà, exactement. Les gens savent pas, ils chantent des airs, ils connaissent les refrains, mais ils savent pas de quoi ça parle. Eh bien, écoute, grâce à toi maintenant, on le saura. Et voilà. Merci beaucoup, David, d'être venu dans Open By. C'était un bonheur de t'avoir dans l'émission, de mieux te connaître. Bonheur partagé. Bonne heure partagée ou bonheur partagé. Ouais. Et n'oublie pas de faire tes vocalises, hein. J'aimerais bien que tu le fasses passer ça. Quel bonheur pour les auditeurs. Et c'est là que vous vous dites, est-ce qu'un peu de silence ne serait pas mieux? Ah. Merci à tous de nous avoir suivis avec David, mais l'émission continue puisque dans quelques instants, nos amis de Camp Navaval seront présents pour nous parler d'un tournoi de futsal. David, toi qui aimes le foot, je pense que ça va t'intéresser. Eh. À tout de suite sur News FM après Kool & The Gang, Jungle Boogie. Vous écoutez toujours Open By sur News FM, c'était Jungle Boogie de Kool & Junkie, Kool & The Gang. Open By continue sur News FM, vous pouvez nous suivre sur Instagram, @openby, en podcast quand vous voulez et en direct tous les jeudis soirs à partir de 20h ou pas en direct, ça dépend. Nous sommes à présent avec nos amis de Camp Navaval, avec Kevin, Juanita et Elia. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Salut, salut. Comment ça va les amis? Bah ça va, ça va. Juanita donc. Bah ça va, ça va, ça va. Ça va Kevin, et toi? Kevin, bah écoute ça va très bien. Enfin vous ça va, moi ça va. Et Elia qui se fera discrète pendant cette interview mais qui peut quand même vous dire bonsoir. Salut. Salut à tous les amis. Merci à tous d'être là ce soir pour parler d'un tournoi de foot qui aura lieu ce dimanche, Gymnase Hoche. À Grenoble. C'est ça. Alors, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez présenter l'association Camp Navaval qui organise ce tournoi et vos rôles dans l'association? Ok, donc l'association Camp Navaval, c'est une association de percussion à rythme antillais. Oui. Donc, en plus, ça tombe bien parce que là, c'est la période aux Antilles du carnaval. Moi, du coup, je suis le président de l'association. Donc Kevin, je répète, on a actuellement une trentaine de membres, ouais. Y compris avec les danseuses. Et notre but sur la longue durée, c'est de pouvoir promouvoir le mouvement carnaval sur la région. Sur la région grenobloise. Voilà, parce que autant dire qu'il n'y en avait pas du tout. Mm-hmm. Ce qui est carnaval, tout ce qui est antillais voilà. Notamment, hein, c'est ça. Il n'y avait pas, il y a une forte population antillaise, donc je pense que c'était important aussi de... par rapport à tous les Antillais qu'il y a sur la région, de vraiment créer un truc qui nous ressemble et qui nous rapproche. Juanita, tu veux ajouter quelque chose? Du coup, pour le coup, nous, on est une association antillaise caribéenne, en fait. Et le but, vraiment, c'est de promouvoir, comme l'a dit Kevin, l'ensemble, en fait, des rythmes carnaval qui font partie des rythmes zouk, en fait. C'est aussi la descendance, en fait, notre descendance, notre culture, notre, c'est ce qui fait notre identité, en fait. Aux Antilles, même dans la Caraïbe, c'est des choses qui nous rapprochent, en fait, qui sont descendants de l'esclavage. Ouais. Mais pour le coup, c'est ce qui fait notre force, parce qu'aujourd'hui, on a utilisé cette histoire pour créer quelque chose, et ce qu'on a créé, c'est quelque chose de très beau qui se reflète dans les rythmes de carnaval. Et on écoute ces rythmes de carnaval. Alors j'entends, je vois Juanita et Elia qui s'ambiancent déjà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'on entend là, en termes d'instruments de musique? Donc là, on entend des basses. Donc vous prenez sur une base d'une batterie classique. Donc, oui. On a la basse dessus. On a les caisses claires, c'est les sons les plus aigus. On a des timbales, on a des toms. Et on a aussi des toms basses, du coup. D'accord. Ils ne font pas du tout le même son que la basse. D'accord, très bien. Voilà. Donc il y a de la musique, mais il y a aussi de la danse, je crois. C'est ça, c'est la particularité, entre guillemets, qui, la valeur ajoutée, on va dire, sur la région. Vu que des groupes où il y a de la percussion, où il y a aussi des danseuses, je pense que ça n'existait pas. Je dis bien, je pense. Parle bien dans le micro, s'il te plaît, Kevin. Donc voilà. Très bien. Juanita, tu veux ajouter quelque chose pendant qu'elle replace gentiment le micro de son amie? C'est vrai qu'il faut savoir que les rythmes de percussion, ça existe. Ça, on sait, on connaît. Mais la vraie valeur ajoutée, parce que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'identité caraïbaine en elle-même, c'est les danseuses. Ça rajoute ce petit côté qui manque, en fait. Il n'y a pas que le son. Il y a aussi le visuel, en fait, parce que ça plaît aux yeux, c'est joli, c'est des chorégraphies, c'est quelque chose qui... C'est l'ensemble, en fait, qui fait qu'un groupe de carnaval est un groupe de carnaval. Il y aurait eu juste les musiciens, c'est pas vraiment un groupe de carnaval. Il y aurait eu juste les danseurs, c'est pas vraiment un groupe de carnaval. C'est l'osmose qui est entre les deux. Ouais. Ça fait le truc, tu vois. Ça fait le truc. Et pourtant, cette association qui promeut la musique, la danse, la culture des Antilles et des Caraïbes, c'est ça. Elle organise un tournoi de foot. Alors j'ai envie de dire, il y a aucun rapport entre les deux là. En fait. C'est vrai que vu comme ça, c'est pas la première chose à laquelle on pense. Oui. Mais ça tombe pas sous le sens. Voilà. Mais effectivement, on a eu l'histoire d'une petite jeune qui s'appelle Léna. Oui. Qui a une maladie rare, qui est atteinte d'une maladie. Et effectivement, dès qu'on a entendu ça, en fait, ça nous a touché parce que effectivement, les maladies, ou que ce soit le cancer ou quoi, c'est des trucs qui touchent tout le monde. Forcément, quelqu'un dans sa famille qui déjà été touché de ça. Donc effectivement, nous, en ayant entendu cette nouvelle, on s'est dit ce serait peut-être aussi bien pour nous et aussi pour elle de donner un coup de main, ouais, de vraiment faire un truc, vraiment de monter un projet autour de malheureusement cet événement-là, c'est-à-dire les choses comme ils sont. C'est un pour soutenir. Hein. Voilà, c'est ça, plus pour, voilà, plus pour soutenir. Et donc on a mis le projet sur pied et on est content de ce que ça va donner, en tout cas. Très bien. Alors, surtout que le foot, c'est l'une de ses passions à elle. Elia, parle bien dans le micro, s'il te plaît. Surtout que le foot, c'est l'une de ses passions. Et c'est pour ça qu'on est allé encore plus loin dans la démarche d'arriver au tournoi de foot. Et cette démarche, elle s'inscrit en partenariat avec une association qui s'appelle Un maillot pour la vie. C'est on ça. Écoute leur chanson, je ne sais pas comment on appelle ça, leur chanson. C'est un maillot pour la vie. Vous pouvez nous dire quelques mots un petit peu sur l'association? Je sais pas si vous... Eh bien, du coup, l'association Un maillot pour la vie, elle est créée pour tous les enfants qui ont, du coup, des maladies, mais qui sont pas forcément reconnues. Donc, par exemple, pour Léna, elle a le cancer, mais on ne sait pas ce qu'elle a. Donc, ça n'a pas été identifié. Donc, on la soigne, mais contre l'inconnu. Ouais. Et c'est pareil pour les d'autres enfants. Et l'objectif, c'est d'offrir un temps où ils peuvent profiter, en fait, mais par le biais du sport. Par le biais du sport, voilà. Aider les enfants malades, les enfants à l'hôpital, les soutenir. Hein, l'association, en quelques chiffres, hein, 24 000 enfants malades visités chaque année. C'est ça. Chaque année à l'hôpital, 7 000 sportifs mobilisés, 12 000 rêves d'enfants réalisés. Mm. Et donc, tournoi de foot. Alors, c'est du futsal, c'est du foot à l'extérieur, c'est... C'est ça, c'est du futsal, ouais. C'est du futsal, du 55. C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Alors, moi, quand on me dit foot, alors je repense à ma jeunesse, je repense à ceci. Une passe, et on a marqué. Olivier Tam. Oli et Tam, ils sont toujours en Je vois qu'Elia connaît, ça me fait chaud au cœur, Elia, t'as pas idée. Tu connais ça quand même. Ouais, faut dire que j'ai séché des heures d'école pour regarder les épisodes d'Olivier Tom. C'est vrai. Je m'en rappelle très bien. Olivier Hatton, Mark Landers, c'est toute ça, la rivalité. Ronita, tu connais ? Non, tu connais. Non. Il faut pas me mélanger dans ces trucs-là. Je connais rien. C'est pas grave. On lui enverra les vidéos, du coup. Hein ? On lui enverra les vidéos, du coup. Ouais, on lui enverra ça. Les 123 épisodes de la série. Faire un peu de ma culture cinématographique. De quoi t'occuper pendant quelques semaines, très joyeusement. Bon alors, comment ça se passe le tournoi de foot ? C'est quoi le planning de la journée ? Gymnase Hoche à Grenoble ce dimanche. Donc, on accueille les équipes sur le gymnase à 10h. Oui. Il y aura du coup un discours de ma part pour accueillir et aussi un peu expliquer le but de cet événement. On aura aussi des intervenants, des gens, oui, qui viendront pour proposer de la danse. On a aussi un autre groupe avec qui on travaille qui s'appelle Kaladja, qui va aussi faire une démonstration aussi de ce que ils eux font, ils travaillent. Eux, ils travaillent sur tout ce qui croca. Est voilà, groca, ce qu'on appelle le groca. Qu'est-ce que c'est ? C'est la sonorité, comment expliquer ? C'est de la musique traditionnelle de Guadeloupe, en fait. D'accord. C'est des groupes à peau. Les deux, voilà. C'est d'accord. Ça. Donc voilà. Il y aura aussi donc, de la danse, ce fameux groupe Kaladja et deux chanteurs de la région grenobloise. Qui sont Corleone, voilà, de, ouais, Machiavellique. Et le dernier, je ne peux pas le dire pour l'instant, c'est pas confirmé, on c'est attend. Pas, c'est ça, on fait des surprises un peu, sinon on vous donne tout. C'est ça. C'est quelqu'un que je connais ? Peut-être. Oh, quel suspense. Donc voilà. Et vous attendez combien de personnes à ce tournoi ? Là, selon les sondages qu'on a eu là, on serait aux alentours normalement de 250 personnes. 250 personnes, waouh, wow, ça va en faire, ça va en faire du tournoi. Vous allez jouer vous-même ou tu vas jouer toi, Kevin ? Oui. Fouteux dans l'âme, je suis obligé de faire profiter qu'on a un vol de nos talents footballistiques. Tu supportes une équipe en particulier ? Oui. Vu que je suis né à Paris, donc PSG. Ouais. Si, j'aurais préféré qu'ils gagnent. Voilà, on a perdu 100 personnes. Voilà, j'aurais préféré qu'ils gagnent, mais bon. Voilà. Faut que les gens sachent où ils vont. Voilà. Et aussi pour Chelsea, on va dire que c'est mon deuxième club de cœur. Ouais, très bien. Ouais, est-ce que vous avez d'autres projets quand on a Vaval là ? D'autres choses qui vont venir ? Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on est amateur de votre musique ? Alors. Non, c'est bon. Je t'embête. Ah, faut que quelqu'un réponde à la question, sinon. Je pensais que tu mettais la musique, pardon. Nous, on nous retrouve beaucoup en mars. Ouais. À commencer par le 7 mars. Le 7 mars, qu'est-ce qu'il y a donc, 7 mars ? Donc, le week-end d'après, on fait une prestation en fait avec Grenoble et la Maison des Habitants. Ouais. Donc, ce sera dans l'après-midi, voilà. On participe aux deux nocturnes de la ville des Chirolles, le 13 et 14 mars. Ouais, d'accord. Donc, le soir et tout ça, avec des tenues illuminées. On prépare des choses un petit peu très intéressantes. Ouais. Ensuite, parce que c'est notre culture, parce que ça fait partie de nous, on va aussi participer aux commémorations d'abolition de l'esclavage le 10 mai. Le 10 mai prochain, ouais. That's voilà. It. Et puis, le 23 mai et le 13 juin, deux événements en partenariat avec le CTN. Très bien. Voilà. Ben très bien, l'émission va toucher à sa fin. Merci d'être venu dans Open Bay sur News FM. On rappelle le tournoi dimanche 1er mars, dimanche prochain, dans quelques jours donc. C'est ça. À Hoche, gymnase Hoche, à Grenoble. C'est voilà, ça. Vous retrouverez Kevin, vous retrouverez Juanita, tu passeras jouer, toi ? Oui, je veux jouer, bien sûr, mais du foot. Du foot ou de la musique. Et bien aussi ? Oui, bien sûr. Tu fais du foot, toi ? Moi, je suis pas trop foot. Pas trop foot ? Ouais, du coup, on sera les petites mains derrière. Les petites mains. Parce qu'il y a à manger, il y a une buvette. Il y a une belle buvette en plus. Très important de préciser ça. C'est important de le préciser. Il y a à boire, il y a à manger, Il y aura du son, il y aura plein de choses qui vont se passer. Ouais. Même si c'est un tournoi, l'objectif, c'est que tout le monde s'amuse, tout le monde trouve son compte. Tout le monde s'amuse. Alors, pour les joueurs, 5 euros de participation. Pour ceux qui veulent venir les soutenir, c'est bien c'est évidemment. Ça. Bienvenue, c'est open ça. Bar. C'est ça. Mais l'entrée est gratuite à l'intérieur pour ceux qui ne veulent pas jouer. Oui, c'est ça. En fait, c'est si on veut venir regarder, voilà, apprécier le spectacle. Admirer les joueurs. C'est ça, il y a des beaux joueurs. Allez voir Elia et Juanita et de la part de Amine de Open By sur News FM. C'est Et venez me voir aussi, du coup. Et venez voir. Oui, mais Kevin, tu seras en train de jouer. Oui, mais bon, ils peuvent venir me voir. Ça peut être intéressant. Après, faut pas oublier, on a Insta et Facebook, nous. Ouais, on a un compte Insta, Canavaval, pour le coup. Can, K-A-2-N.A.V-A-V-A-L. Oui. Pareil pour Facebook, tout simplement. Et puis, en tout cas, on tenait aussi à remercier nos partenaires Maillot pour la vie, Only the Brain, Machiavelli qui participe avec nous pour les lots, etc. J'oublie personne. Eh bien, dans ce cas, si tout est dit, on et peut. Et News FM aussi, attends. Et oui, News FM, bien News sûr. FM, News FM, c'est bête. Et Open By. Open By sur open News by, FM. Open By, c'est bête. On te fera une dédicace. Ah, oui. ça fait plaisir. En tout cas merci à vous de nous avoir reçus. Merci à vous d'être venu dans l'émission, parler de ce beau tournoi caritatif pour penser à Léna et à tous les enfants malades de l'association Un Maillot pour la vie. Et l'association Prendre un Maillot, bien sûr, que vous pouvez retrouver, comme tu l'as dit, Juanita, dans divers endroits de Grenoble et des Chirols. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à David, qui était notre premier invité dans l'émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec plein de belles aventures. Rendez-vous très vite sur News FM. La musique continue et je ne sais pas il y a quoi puisque l'émission n'est pas en direct. Allez, bonne soirée à toutes et à tous sur News FM et à très vite. Ciao.